Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute de la radio Isanganiro. Bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Audace News et le ministre des Finances se tranquillise qu'avec la suppression et réduction des taxes, les commerçants pourront facilement importer du sucre afin de pallier l'insuffisance de la quantité produite localement. C'était ce jeudi lors de la présentation du projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025 devant le Parlement. Le 15 juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée contre la fin. Au Burundi, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités estime que plusieurs défis entrent la production en ce moment. Les administratifs à la base ainsi que les parents doivent être les premiers à lutter contre l'exploitation des enfants de moins de 16 ans. Appel lancé par la SOGEPAE qui milite pour les droits des enfants. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Alphonse Kougimana sur la mise en onde. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit en titre, le 15 juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée contre la faim. Au Burundi, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités estime que plusieurs défis hantent la production en ce moment. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, indique en outre que la circulation de la production disponible est handicapée par la pénurie du carburant. Suivez-le. Cette journée arrive dans des circonstances particulières où le pays éprouve des difficultés économiques légendaires. Déjà, au niveau de l'insécurité alimentaire, la situation était déjà alarmante. 70% de la population burundaise était dans l'insécurité alimentaire chronique. 40%, c'était la malnutrition infantile, qui était même à la base de plusieurs maladies infantiles chroniques. Et si on analyse la production alimentaire, depuis un certain temps, le Burundi a un déficit structurel de la production alimentaire lié à certaines cultures, à une diversité culturelle qui n'est plus d'actualité. Il y a beaucoup de cultures qui tendent à disparaître. Et il y a la Caucase par exemple. D'autres ont connu une chute de la production, notamment la pomme de terre, la banane. Et parce que quand il y a une épidémie de maladies qui frappe ces cultures, il est difficile directement de disponibiliser des produits phytosanitaires pour faire face à ces maladies. Même au niveau des statistiques, il est difficile d'affirmer qu'on est dans une situation de surproduction si on ne peut pas évaluer au niveau statistique les besoins alimentaires des Burundais en entièreté et la quantité produite. Il faut comparer les statistiques. Pareil actuellement, même la production du maïs qu'on a vanté très récemment, on n'a pas eu de statistiques comparatif pour dire que la production est dans une situation de surproduction. Là où le bas blesse, c'est que même cette production n'a pas été introduite dans le circuit économique, n'a pas connu ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Parce que dans toutes circonstances, une production agricole, ce n'est pas transformé, ce ne connaît pas ce qu'on appelle la chaîne de valeurs. C'est une production qui est presque morte parce qu'elle ne sera même pas comptabilisée dans le circuit économique comme le produit intérieur brut. C'est une situation vraiment alarmante. À ce drame, à l'ordre de pénurie même des produits alimentaires liés à la production, s'ajoute le drame de pénurie de carburant. Comment est-ce que le transport des marchandises, des biens, de la production agricole, comment est-ce qu'elle sera assurée? Outre que même si elle est assurée, le coût du transport est exorbitant à un niveau qui dépasse l'entendement. Si maintenant le flux commercial des biens, des marchandises et de la production agricole n'est pas là, ça veut dire que la situation sera catastrophique. On évoque la pénurie des devises, mais jusqu'à maintenant, on reste sur notre qui-vive, on est sur nos réserves, parce qu'un pays ne peut pas vraiment ne pas disponibiliser des devises pour importer, ne fût-ce qu'une partie des litres de carburant pour une période de soudure. Page économie, certains députés sont préoccupés par le budget prévu par le gouvernement afin de trouver solutions durables par rapport aux pénuries répétitives des différents produits de première nécessité qui hantent la population burundaise. C'était ce jeudi lors de la présentation du projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025. Le ministre des Finances, Audace Niyonzima, n'a pas donné de réponse claire par rapport aux problèmes de carburant, mais tranquillise plutôt au manque de sucre qu'avec la suppression et réduction des taxes, les commerçants pourront facilement importer cette denrée afin de pallier l'insuffisance de la quantité produite localement. Le point avec Ornella Mucho. Parmi les grandes allocations prioritaires retenues dans le projet de loi de finances 2024-2025 figure la construction d'un centre de cancérologie pour plus d'un milliard et la construction et réhabilitation des infrastructures sanitaires pour 41 milliards. Entre-temps, après l'exposé des motifs de ce projet de loi, des députés ont voulu savoir la part du budget par rapport au manque de produits de première nécessité, notamment le manque de carburant et de sucre. Excellence, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer que l'on parviendra à voir ces sommes escomptées, à voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent actuellement, alors que les heures de travail sont forcément réduites? Pouvez-vous nous donner des espoirs sur ce qui est en train d'être fait pour trouver des solutions aux problèmes liés à la carence du carburant que nous endurons tous? Dans l'exposé des motifs, vous avez dit qu'il y a des innovations qui ont été initiées pour que le sucre ne manque plus. Est-ce vrai? Quoi de nouveau en ce qui concerne les produits de la brasserie? Là aussi, les consommateurs ne cessent de se plaindre que leur manque est malheureusement comblé par l'émergence d'autres types de boissons vendues dans des bouteilles en plastique et trop alcoolisées. Le ministre des Finances, Audace Niyonzima, répond que le manque de carburant est lié au manque de devises étrangères et qu'alors la solution n'est pas immédiate. Il tranquillise toutefois qu'avec les mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'importation du sucre, la pénurie de sucre sera cette fois-ci résolue. Vous voulez savoir s'il n'y aura plus de longues files d'attente pour pouvoir acheter le sucre? Effectivement, il n'y en aura plus, car le gouvernement a subventionné ce produit. On a déjà supprimé les TVA et droits de douane. C'est pour trouver solution liée au manque de ce produit. Préciser le prix là, je n'ai pas de réponse parce que la priorité chez nous, c'est d'abord de prioriser la disponibilité de ce produit. Par rapport au manque de carburant, on ne peut dire que la situation va rester telle qu'elle est, mais vous connaissez déjà que le problème est lié au manque de devises que le pays fait face actuellement. Et par rapport au manque de produits de la brasserie, c'est vrai que le gouvernement a des actions, mais c'est une entreprise privée. Cette dernière manque aussi de devises. Seulement avec l'importation en quantité suffisante du sucre, tout en connaissant que la brasserie utilise le sucre pour produire les boissons, on espère que ça va un peu améliorer la situation. Une autre priorité figurant dans son projet de loi, comme annoncé par le ministre des Finances, sont les indemnités d'éloignement. Des médecins spécialistes œuvrant à l'intérieur du pays pour un montant de plus de 16 milliards. Et cela pour limiter le nombre de médecins qui choisissent de quitter le pays pour travailler à l'étranger. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page société, les administratifs à la base ainsi que les parents doivent être les premiers à lutter contre l'exploitation des enfants de moins de 16 ans. Cet appel est lancé par la Solidarité pour la paix et l'enfance, SOGPAE, en sigle qui milite pour des droits des enfants au niveau national. David Ninganza, vice-président de cette association, déplore la violation flagrante des droits de l'enfant au vu et au sud de l'autorité publique censée à défendre ses droits. Cet appel intervient au moment où les grandes vacances approche, période pendant laquelle les petits-enfants se livrent aux travaux forcés. Suivez David Ninganza dans ses propos recueillis par Évariste Ndikobanyanga. Il y a des enfants qui travaillent d'ici et là. C'est vraiment dommage qu'il y ait exploitation économique des enfants. Ces enfants, les places, c'est la maison, c'est aussi à l'école. L'enfant de moins de 16 ans ne doit pas travailler. Il doit rester entre les mains de son parent ou aussi de l'enseignant éducateur. S'il s'agit de travailler, ce sont eux qui s'occupent de lui. Il est strictement interdit dans la loi burundaise qu'un enfant de moins de 16 ans travaille et rémunéré. Donc, on ne peut pas faire le travail rémunéré parce qu'il risque d'être exploité par l'employeur. Même pour des enfants de 16 ans, 17 ans, ils doivent travailler des travaux légers pour ne pas piétiner sur leur développement mental, développement physique, moral. Cela est observé. Pourquoi? Il y a des choses. Premièrement, ces enfants devraient être à l'école. Aujourd'hui, l'école est gratuite, mais n'est pas obligatoire. Il faut qu'il y ait une loi sur l'obligation scolaire. La loi sera accompagnée par des textes d'accompagnement qui vont montrer qui fait quoi. Le parent qui déscolarise son enfant, il y aura des conseils, des sanctions. La communauté qui n'a pas joué son rôle pour protéger l'enfant, il y aura des textes d'accompagnement qui vont montrer les sanctions infligées à eux. Il y a aussi le gouvernement, parce que quand l'enfant n'est pas à l'école, va commander, va travailler pour des raisons de la pauvreté aiguë, il doit répondre. C'est aussi la législation du travail. Aujourd'hui, le travail informel, aujourd'hui, n'a pas de règles. Il faut que le ministère qui a le travail dans ses attributions pense à faire sortir une loi sur le travail informel, parce que c'est ce travail qui abrite beaucoup d'enfants. Donc, je pense que nos leaders communautaires, les responsables administratifs, doivent prendre des sanctions infligées envers ces parents qui déscolarisent les enfants, encore qui envoient les enfants au travail avant l'âge. Il y a même des sanctions sociales de la communauté, comme la mise en quarantaine pour les récidivistes. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme encourage le gouvernement à apporter des solutions urgentes à certains défis qui persistent pour la pleine et juste et des droits de l'enfant, plus précisément son bien-être et sa protection spéciale. Dans une déclaration sortie ce samedi à marge de la célébration de la journée de l'enfant africain pour l'édition 2024, Sixte Vigny Muraba, à la tête de cette commission, exhorte l'État à accroître le budget alloué à l'éducation de qualité. Vous saurez que le thème choisi pour cette année est « L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue ». Suivez Sixte Vigny Nimuraba. Qu'en est-il de la situation des droits de l'enfant au Burundi? La CNIDH apprécie les avancées perceptibles déjà réalisées et encourage le gouvernement à apporter des solutions urgentes et appropriées à certains défis qui persistent, à savoir le bien-être de l'enfant, la protection spéciale de l'enfant. Actuellement, au Burundi, les cas des infractions commises par les mineurs en conflit avec la loi sont traités avec célérité dans différents cours et tribunaux du Burundi, excepté la lenteur observée parfois à la phase préjuridictionnelle, alors que les mineurs en conflit avec la loi ne peuvent pas être détenus dans les mêmes conditions que les adultes. La CNIDH constate que les défis persistent en dépit de ce progrès dans le domaine de protection et de promotion des droits de l'enfant. Les obstacles à la pleine jouissance du droit à l'éducation sont notamment l'abandon scolaire dû aux grossesses non désirées, au phénomène des enfants en situation de rue, à la consommation de stupéfiants, à l'éloignement des écoles dans certaines régions, aux catastrophes naturelles occasionnant la fermeture des écoles, au ratio enseignant-élève plus élevé, à l'émigration, au travail des enfants dans les ménages ou ailleurs. Un autre facteur qui affecte la qualité de l'enseignement est l'insuffisance du personnel enseignant. La CNIDH exhorte l'État du Burundi d'accroître l'allocation budgétaire pour une éducation de qualité, d'entreprendre un cadre légal pour rendre l'enseignement fondamental obligatoire, en plus de sa gratuité déjà acquise. Lancement officiel ce samedi de la société STNB de télédiffusion numérique au Burundi. Dans une interview accordée aux journalistes, la ministre de la Communication, Léocadine Ndacyayisaba, a indiqué que l'un des avantages que cette société va fournir est des images de haute définition aux téléspectateurs. Suivez la ministre Léocadie Ndacyayisaba. La population dans l'intérieur du pays pourra suivre les informations et les activités donc qui passent au niveau de des télévisions qui est ici au Burundi. Et un autre avantage, c'est que les deux chaînes de la RTNB, la chaîne 1 et la chaîne 2, vont pouvoir être diffusées à l'intérieur du pays gratuitement. C'est un avantage pour la population en général qui vont pouvoir bénéficier de ces deux chaînes gratuitement, même s'ils n'ont pas pu avoir les fonds pour s'acheter des bouquets. Un autre avantage, c'est que les autres télévisions qui œuvrent ici au Burundi, et la plupart ici à Bujumbura, donc qui ne parvenaient pas à pouvoir diffuser leurs programmes et les informations à l'intérieur du pays, vont pouvoir le faire à travers cette société STNB. Une autre chose, c'est que la population pourra s'auto-développer à travers les émissions qui vont passer dans les télévisions à l'intérieur du pays. Donc, ils pourront voir et échanger les expériences avec d'autres, que ce soit au niveau de l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays. Donc, la population va avoir aussi les impôts, les taxes à travers le fonctionnement de cette société. Terminons cette édition par la page sport. En bref, la formation policière Rukinzo a remporté la finale de la Coupe des Présidents édition 2024. C'est après avoir éliminé Flambeau du Centre de la province de Gitega sur un score de 2-1 lors de la finale qui a été disputée ce samedi au stade de Ingoma de la province de Gitega. Cette victoire de Rukinzo lui donne l'opportunité de représenter le Burundi dans la compétition africaine de la Coupe de la Confédération. Auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de nous avoir prêté oreille attentive. Juste après, vous aurez droit à la revue de la presse. Au revoir.